بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد frères et sœurs en islam, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue encore une fois à nos cours sur la croyance islamique et l'étude du texte de l'imam al-Tahawi رحمه الله تعالى. On est toujours sur, ou bien on parle toujours de cette section qui traite de la relation entre l'apparence et ce qui est à l'intérieur du cœur. Ça veut dire entre l'interne et l'externe, pour ce qui est bien sûr, encore une fois, de la foi et de l'iman de la personne. On avait dit qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui compte, ça veut dire la religion qui compte, c'est l'interne et l'externe, que les deux représentent ce qu'on appelle en réalité l'iman, la foi que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir. Mais on avait expliqué que dans ce bas monde, nos jugements et la question de pouvoir délimiter entre les devoirs et les droits de toute personne est une chose qui revient aux apparences, ça veut dire aux aspects externes. Celui qui montre du bien aura du bien. Celui qui montre du mal aura du mal. وَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Avant d'avancer, inshallah ta'ala, il y avait un frère qui avait posé une question tout à l'heure et j'aimerais répondre à la question comme ça, de façon qui est ouverte pour que tout le monde puisse en bénéficier, inshallah ta'ala. Il faut distinguer entre les jugements. Ça veut dire, quand on parle encore une fois de jugement, un jugement c'est quelque chose que je peux dire. Un hukm. Parfois c'est le commun des musulmans qui va les mettre et parfois ça va être le juge. Un juge, il va dire à quelqu'un, tu es coupable, n'est-ce pas? Par exemple, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, normalement, quand la religion est acceptée, par exemple, un juge va être une personne de connaissance et ainsi de suite. Et normalement, c'est un juge, n'est-ce pas, dans les situations normales, c'est un juge qui va déclarer l'apostasie d'une personne, la ridda d'une personne. Il va dire, bon, on a suivi les procédures nécessaires et ainsi de suite. On déclare que cette personne, elle est sortie de l'islam, c'est clair, c'est évident, il ne reste plus de doute en quelque sorte. Mon jugement en tant que musulman, c'est comme on l'a mentionné tout à l'heure. Je vois quelqu'un qui sacrifie de la façon qui est musulmane, qui dit bismillah, qui se dirige vers la qibla, ainsi de suite. Je vais dire, ah, ça c'est un musulman, c'est mon frère en islam. C'est un jugement. Je peux l'émettre et je peux le dire. Il faut distinguer entre ce jugement-là et entre une autre forme de jugement, qui est mon jugement personnel, que je garde à l'intérieur de mon cœur. Ça, c'est une chose qui est différente. Là, on a un autre élément qui va intervenir, qui est ce qu'on appelle, par exemple, « farasatu al-mu'min », comme dans certains hadiths, n'est-ce pas, qui nous prouvent, et comme les ulama l'ont expliqué, qu'il y a ce concept-là de « farasat al-mu'min ». C'est quoi « farasatu al-mu'min » ? C'est, en quelque sorte, la clairvoyance du cœur. N'est-ce pas que parfois le cœur de la personne qui est pure, le bon croyant, celui qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il regarde les yeux de quelqu'un, il va voir quelque chose de louche à l'intérieur. Voyez-vous? Vous comprenez? Comme Omar radiyallahu ta'ala an, qui était un mulham, c'était Al-Farouq radiyallahu ta'ala an, et ainsi de suite. Donc là, c'est une réalité qui existe. Mais est-ce qu'elle te permet pour autant d'émettre un jugement public et ouvert et officiel? Non. C'est là où il faut faire la différence. Donc quelqu'un qui peut être quelqu'un qui est pieux, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un cœur qui est pur, quelqu'un comme ça, de par la clairvoyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée dans son cœur, il va regarder quelqu'un, il va parler avec quelqu'un directement. Il va avoir ce sentiment dans son cœur que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est... Il faut faire attention. Il a l'air d'être un munafiq. Il a les signes du munafiq, de l'hypocrite en tant que tel. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَا يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. Le cœur pur, parfois, peut distinguer. Mais ce sentiment-là, cette connaissance du cœur que tu viens d'avoir à travers ta clairvoyance, tu n'as le droit que de le garder que pour toi-même. Tant que l'autre personne n'a rien fait sortir. Vous comprenez? Donc il va dire, je ne lui fais pas confiance. Moi, personnellement, je ne suis pas confiance. Je ne veux pas donner des secrets, mes secrets à une telle personne. Je ne vais pas donner ma fille en mariage pour une telle personne, et ainsi de suite. Mais est-ce que j'ai le droit de dire aux autres, attention? Non, là ça devient différent. Je n'ai pas le droit de dire aux autres, attention, lui, je viens de voir les signes de Al-Munafiq sur son visage. Je n'ai pas le droit de le faire. Tant qu'il ne montre rien, je ne peux pas le juger comme ça, ouvertement et de façon qui est officielle. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux? C'est clair? Oui. Oui, exactement, tout à fait. Al-arwah junudun mujannada, n'est-ce pas? Ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Donc ici, les âmes, l'âme du croyant va se sentir à l'aise avec l'âme d'un autre croyant. Et l'âme du croyant va se sentir mal à l'aise avec l'âme d'un autre hypocrite. Il va avoir un sentiment qu'il y a quelque chose qui est louche à travers ou bien à propos de cette personne-là, mais je n'ai pas le droit de le juger pour autant de façon qui est officielle. Je n'ai pas le droit de dire aux gens, attention, ne mangez pas sa viande, c'est un munafiq, je ne peux pas le faire. Vous comprenez? Non. Donc, il nous parle ici, il nous dit l'imam Tahawi, rahimahullah ta'ala, « Wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati » بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. Il dit ici, on ne fait pas sortir la personne de l'islam par un simple péché, par la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, on ne dit pas que la foi n'est pas affectée par les péchés. Pourquoi ? Ici, il veut prendre la position qui est au milieu entre les khawarij qui vont dire que celui qui commet un péché, il sort de l'islam, et entre la position de certaines formes extrêmes de murji'a qui pourraient dire que non, tant que tu as le iman dans ton cœur, tes actions ne peuvent t'affecter en rien. Ça veut dire commet tous les péchés que tu peux imaginer, tu vas toujours avoir ta foi qui est inaffectée. Vous comprenez? Non. Après ça, il dit... ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. Il dit si la personne ne sort de l'islam, ne sort de la foi, que si elle se met dans une situation qui va à l'encontre de ce qu'il avait fait entrer à l'intérieur de l'islam et à l'intérieur de la foi et de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Il dit ici l'imam, bien sûr on va expliquer tout ça inshallah ta'ala en détail. اعلم رحمنا الله وإياك أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت فيه الفتنة والمحنة. Il nous dit que cette question là de takfir, c'est une question en quelque sorte qui a causé plein de problèmes et de discordes et ainsi de suite entre les différentes sectes et entre les gens qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est un mot qui est très médiatisé. La question de takfir, n'est-ce pas, les takfiris, n'est-ce pas, les gens qui font le takfir, les groupes takfiristes, n'est-ce pas, et la chose la plus drôle, il n'y a pas plus drôle que ça, c'est quand des journalistes non musulmans te parlent du danger des takfiris. Vous ne croyez même pas à la foi, au iman, n'est-ce pas? Quel est le danger de takfir pour vous? C'est quoi? C'est comme vous avez, n'est-ce pas? C'est comme parfois tu vas ouvrir, n'est-ce pas, les sites, ou bien tu vas entrer sur, pour lire les nouvelles, etc. Tu vas trouver comme ça, à la première page, une nouvelle extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il y a? Des extrémistes, salafistes, takfiristes, je ne sais pas quoi, n'est-ce pas, en Libye ou bien en Tunisie ou autre chose, viennent de détruire un mausolée. Un mausolée, pour une fois comme ça, ça devient, n'est-ce pas, en Occident, quelque chose qui est sacré. Quand les bombes étaient larguées, n'est-ce pas, sur les mosquées de l'Irak et ainsi de suite, c'était normal. Mais voilà qu'un petit mausolée comme ça a été détruit par des extrémistes comme ça. Il y a des gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et qui se révoltent. Pourquoi est-ce qu'un mausolée a été détruit en tant que tel? Bien sûr, on ne parle pas de l'action. Je ne suis pas en train de juger est-ce que l'action est justifiée ou bien n'est pas justifiée. Je parle ici de l'aspect médiatique. Je ne parle pas ici de l'aspect légal dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu es quelqu'un qui ne croit pas au caractère sacré de la mosquée, du mausolée, de la religion, tu ne crois pas à la religion et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que, soudainement comme ça, un musolée qui a été détruit, n'est-ce pas? C'est devenu la chose la plus grave et la nouvelle de la journée. Voyez-vous? Donc ça, c'est un peu comme celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'après ça, il te dit, moi, je ne suis pas musulman, etc. Mais après ça, bon, il est choqué qu'il y a les takfiri comme ça. Donc ce mot-là de takfiri ou bien de takfir ne veut rien dire. Si quelqu'un te dit le takfir, c'est bien ou bien c'est pas bien, qu'est-ce que tu vas dire en réponse? Hein? Ça ne veut rien dire. De quel takfir tu parles, n'est-ce pas? Takfir, c'est un jugement, c'est un hukm, n'est-ce pas? Et le jugement, s'il est juste, il devient bien. S'il est injuste, il devient mal. Donc, at-takfiru bihaqqin, le takfir que Allah subhanahu wa ta'ala a jugé de ce takfir, c'est un vrai takfir. Et le takfir qui est extrême, ça veut dire qu'il sort des règles de l'islam, de la croyance de l'islam, comme le takfir de l'Khawarid, et ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle l'extrémisme dans la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Oui. Souvent ils font ça parce que depuis qu'il y a eu un truc qui se passe au Mali, souvent ils font des choses comme ça parce que c'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. À cause de ça, qu'il maintenant, on ne parlait pas de l'Irak et maintenant ils parlent de ça parce que c'est... Pas toujours. Parfois, c'est un petit musolée au milieu de nulle part, n'est-ce pas, qui, soudain, comme ça, il commence à inquiéter. Exactement. Exactement. Barakallahu fik. Jazakallahu khayr. Donc, ici, regardez ce que Cheikh Salah Saoui, dans la marge, il nous mentionne, il nous dit « Al-riddatu al-rudu'u anil-islami ila al-kufri wa qat'u al-islami wal-imanu yantaqidu bil-riddati kama yantaqidu al-wudu'u bil-hadath. » Il nous dit c'est quoi la définition de al-ridda, c'est quoi la définition de l'apostasie en quelque sorte. L'apostasie, c'est quand une personne, elle va sortir de l'islam, quand une personne, elle va sortir de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et c'est comment que la personne va sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous dit, la personne, wa alaykoum salam, une personne sort de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala quand elle commet l'un des annulateurs de la religion. Tout comme par exemple, les détails de la religion ont des annulateurs. Je répète encore une fois. Les détails de la religion sont des annulateurs. Quand par exemple le wudu, est-ce que le wudu a des annulateurs? Oui. Le wudu, quelqu'un il va dire, moi j'ai fait mon wudu, n'est-ce pas? Et maintenant je suis en train de faire ma prière. Je vais dire, mon frère, ta prière n'est pas acceptée. Il va dire, t'es qui pour me juger? Et moi j'ai fait mon wudu, et de quel droit? Je vais dire, mon frère, c'est parce que tu dormais après ton wudu, n'est-ce pas? Tu as eu un sommeil profond. Je t'ai vu, tu étais en train de dormir, de ronfler pendant 2 heures, 3 heures. Ce n'est pas moi qui juge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a jugé que ton wudu n'est plus valide et que ta prière n'est plus valide. Si tu veux perdre ton temps à faire la prière, une et deux et trois, vas-y. Mais je te dis à l'avance que ta prière n'est pas valide. Vous comprenez? La prière a des annulateurs. Comme al-qahqaha, le rire, si quelqu'un est dans sa prière et commence à rire, n'est-ce pas, à voix haute, je veux dire au frère, s'il te plaît, va refaire ta prière. Ta prière est invalide parce qu'elle a été annulée. Elle a des annulateurs. Si ça c'est vrai pour les détails de la religion, que parler de la religion en tant que telle? Ça veut dire l'essence de la religion, ça veut dire la différence entre, la limite entre l'islam et entre al-kufr. Ça aussi c'est vrai, ça veut dire que la religion, elle a des annulateurs. Il y a des choses qu'on appelle nawaqid al-islam qui font sortir la personne de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Il nous dit ici, « وَالْرِدَّةُ كَمَا تَكُونُ بِمُفَارَقَةِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَى مِلَّةٍ أُخْرَى أَوْ إِلَى الْإِلْحَادِ الْبَحْدِ تَكُونُ أَيْضًا » Il nous dit que l'apostasie peut être évidemment à travers le fait qu'une personne va changer de l'islam vers une autre religion, ou bien de l'islam vers la, vers l'athéisme, al-ilhad, n'est-ce pas? Et ça, c'est bien sûr une forme la plus évidente. Si quelqu'un il doute de ce kufr-là, alors c'est une autre chose. Quelqu'un il va dire, moi je ne suis plus musulman, je suis devenu bouddhiste, je suis devenu juif, je suis devenu chrétien, je suis devenu athée sans religion, ainsi de suite. C'est une personne qui a clairement dit qu'elle, elle est sortie de l'islam. Mais encore une fois, je répète que ce n'est pas la seule situation dans laquelle la personne va commettre l'apostasie. Ça veut dire parfois, c'est la personne ne dit pas que moi, je suis sorti de l'islam, mais ce qu'elle est en train de dire et ce qu'elle est en train de faire est en train de nous dire qu'elle est sortie de l'islam en tant que telle. Et C'est quoi la définition de l'apostasie dans ce genre de situation-là? Ça veut dire quel est le critère général comme ça, quelque chose qui va te rassembler toutes les formes de ar-ridda ou bien l'apostasie. Il dit ici, « تكون أيضا بعدم الإقرار بشيء مما أنزل الله تكذيبا أو ردا وتكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. » Il nous dit ici que l'apostasie, elle arrive quand une personne va rejeter l'une des formes ou bien l'une des parties de la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée à son prophète alayhi as-salatu wa as-salam, soit par at-takdhib, en traitant de mensonge, ou bien en rejetant. At-takdhib ou ar-rad. Quelle est la différence entre les deux? Je répète encore une fois. At-takdhib, c'est le fait de traiter de mensonge. Ça veut dire, quand quelqu'un il dit, quand quelqu'un nous dit que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'alcool est interdit. Quelqu'un me dit ça. L'alcool est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et que moi je vais dire non, ce n'est pas vrai que l'alcool est interdit. Qu'est-ce qu'on appelle ça? At-takdhib, n'est-ce pas, il va dire, parce qu'il traite de mensonge une partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le paradis, il existe? Non, le paradis n'existe pas. Voyez-vous, ça c'est une forme. C'est ce qu'on appelle takdhib. Une autre forme de al-kufr billahi azza wa jalla, de l'apostasie, c'est quoi? C'est ar-rad, c'est le rejet. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, yusikum Allahu fi awladikum, lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Verset très clair du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous prescrit, il juge, il vous informe que quand l'un d'entre vous va mourir et qu'il laisse un héritage, n'est-ce pas, entre les frères et les sœurs, chaque fille va prendre la moitié de chaque garçon. En passant, c'est faux de dire qu'en islam, que la femme, elle prend la moitié de l'héritage de la part de l'homme. Cette phrase-là, cette expression générale n'est pas vraie, c'est faux. Il y a des situations dans lesquelles la femme peut prendre plus qu'un homme. Le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a dans ce verset du Coran Karim, il te parle entre les frères et les sœurs. C'est cette situation en particulier. On ne va pas entrer dans pourquoi et la sagesse et la hikma d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ça, etc. Ce n'est pas notre sujet. Mais on parle ici de la question de l'imad et de l'kufr. Quelqu'un va te dire, oui, c'est ça l'islam. Moi, je suis un musulman. Oui, c'est ça ce que le Coran, il dit. Il dit que le garçon prend le double de la part de la fille. Donc, lui, est-ce qu'il a fait le takdhib? Est-ce qu'il a traité de mensonge? Non. Il te dit, oui, c'est l'islam. Je sais, j'ai lu le verset, je le connais, je n'ai pas besoin que tu me le montres, etc. Mais c'est injuste. Je n'accepte pas cette partie de la religion. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Ar-rad, ce n'est pas istihlal, il ne dit pas que c'est halal, c'est un rad, il s'oppose, n'est-ce pas, il s'oppose au jugement d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, et ça aussi c'est une forme de al-kufr billahi azza wa jal, et comme il nous dit ici, al-kufr yakunu bil-qawli, ou al-i'tiqadi, ou al-amali, que le kufr, la mécréance, l'apostasie, peut se faire à travers la croyance, ça bien sûr c'est l'hypocrite, n'est-ce pas? Dans sa croyance, il sort de l'islam sans le déclarer. Ou bien elle peut se faire avec la langue, ou bien elle peut se faire avec les actions. Vous comprenez? Mais encore une fois, je répète, c'est très important de comprendre. La question du takfir, n'est-ce pas? C'est pas comme, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas envoyé, c'est pas un maqsad dans la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas l'un des rôles que nous avons en tant que musulmans, ce n'est pas une ibad, n'est-ce pas, qu'on fait comme la prière et ainsi de suite, qu'à chaque jour, comme ça, on va se réveiller, on va dire, on pourrait faire le takfir de qui aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de nouveaux kafirs comme ça qu'on peut découvrir? Allez vite, allez, qui peut nous faire sortir un nouveau kufr, on veut le découvrir? Non, ce n'est pas, c'est pas un maqsad, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que tu fais activement. Ça veut dire, c'est si ça arrive, que là, on doit être clair et déclarer que cette personne-là sort de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa hikmah, par sa sagesse, il a fait quelque chose qui existe dans ce bas monde qui s'appelle l'hypocrisie. An-nifaq, ça veut dire il va toujours y avoir, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à presque le jour dernier, il va y avoir un groupe de personnes qu'on appelle les munafiqines, des hypocrites, ça veut dire des personnes qui ont commis l'apostasie à l'intérieur de leur cœur et que nous, on ne le sait pas. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas de no... ce n'est... ça ne fait pas partie de l'islam, de la logique de l'islam, de l'esprit de l'islam, de pomper comme ça, n'est-ce pas, de l'air partout comme ça pour essayer de faire, de détecter les munafiqines, de faire sortir leur coffre et ainsi de suite, tant qu'eux, ils ne le montrent pas, bien au contraire. C'est pour le bien de l'islam et le bien de la communauté. Oui. En fait, la dernière fois, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui me disait que, justement, qui me parlait de l'alcool, qui me disait que, dans le corps, en fait, que l'alcool, c'est pas haram, parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'alcool dans le Coran, il l'utilise pas, comme le verbe en arabe, hurrima, mais il l'utilise comme ishtanibo. Non. Donc, je sais pas ce que je réponds à cette personne, puis c'est quoi, comment je, en fait, c'est quoi, est-ce que je la juge comme... Taïb, taïb. Rapidement comme ça, parce que ce n'est pas vraiment notre sujet, on a déjà parlé de ça, je pense quand on avait parlé de l'qawa'i al-fiqhiyya, mais on répète encore une fois, n'est-ce pas, que l'alcool, quand quelqu'un il renie l'alcool, déjà il est en train d'aller à l'encontre d'un ijma' des musulmans. Ça veut dire, normalement, dans un pays musulman, dans lequel la religion est en général pratiquée, ça veut dire dans lequel il n'y a pas tant que ça d'ignorance de la religion et ainsi de suite, si comme ça, une personne, comme ils disent, an odd person, n'est-ce pas, un cas comme ça isolé, quelqu'un il va sortir, il va dire non, non, l'alcool n'est pas interdit en islam. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit fajtanibou. Dans un pays dans lequel la religion est connue par les gens et ainsi de suite, ça c'est une ride sur place. Maintenant, dans des pays dans lesquels il peut y avoir des ambiguïtés, des choubouhats, ainsi de suite, comme dans les pays en Occident, par exemple, où les gens entendent parler à droite, à gauche, etc., cette personne-là, on va prendre plus de temps avec elle, on va lui expliquer que dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'alcool est interdit, c'est parce que peut-être que cette personne-là est pardonnée, est excusée par son ignorance. Et quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit « fait du tanibouhu », éviter l'alcool, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit d'éviter, ça veut dire c'est pas le sens ici, ce n'est pas que c'est meilleur pour vous de le boire, de l'éviter pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce qu'on a plusieurs autres textes qui nous interdisent l'alcool clairement, comme dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, c'est que dans ce même verset, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu ridsun min 'amali ash-shaytan fa fajtanibu. Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'alcool, al-maisir, les jeux du hasard, al-ansab, ansab qui est quoi? Les pierres, les statues, les idoles. Al-azlam, une autre forme de shirk que les Arabes ils commettaient lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit subhanahu wa ta'ala, ces quatre choses-là, incluant l'alcool, c'est rijsun, c'est une impureté min 'amali ash-shaytan, qui fait partie des actions de Al-Shaytan. Alors, évitez-les. Évitez-les ici, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que ça peut vouloir dire que c'est meilleur de les éviter? Si on va dire oui, ça veut dire qu'on devra appliquer ça aux quatre choses, pas seulement à l'alcool. Ça fait quoi? Ça veut dire que même les jeux du hasard, évite, c'est mieux que tu évites. Pire encore, n'est-ce pas, même les idoles, te prosterner devant des idoles, des statues, etc., ben c'est mieux d'éviter. Mais ce n'est pas haram, n'est-ce pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit avec tout ça, rijsun, c'est une impureté. Et malgré ça, c'est meilleur d'éviter, mais tu as le droit de faire une telle chose, même si elle est immorale et c'est une impureté. Min amali shaytan. Ça fait partie des actions du shaytan, mais quand même, c'est mieux d'éviter, mais tu peux le faire. Si quelque chose, n'est-ce pas, comme le fait d'adorer, de te prosterner devant des statues, qui est rijs, qui est une impureté, qui fait partie des actions du shaytan, et malgré tout, elle est halal, il ne reste rien de la religion. Il n'y a rien qui est interdit dans la religion après ça. On est tous d'accord? Non. Donc, on revient à notre sujet, incha'Allah ta'ala. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? وَتَكُونُ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ أَوْ الْاِعْتِقَادِ. On a dit donc que l'apostasie peut arriver à travers les actions, les paroles et les croyances qui sont dans le cœur. Mais je le répète encore une fois, c'est très important. Il y a beaucoup de frères qui ne comprennent pas ça. L'apostasie, le fait de faire le takfir des gens, n'est pas un rôle actif que nous avons. T'as pas, c'est pas des ventes, n'est-ce pas? T'as pas, c'est pas des hasanettes comme ça qu'à chaque jour tu vas dire bon, je vais faire de bonnes actions aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vais faire plus de ibadah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, hier j'ai fait beaucoup de prières, la semaine dernière j'ai donné beaucoup de sadaqa, le mois avant j'ai fait beaucoup de jeûnes. Aujourd'hui je vais faire une nouvelle ibadah, je vais faire beaucoup de takfir aujourd'hui. Je vais chercher, je vais faire la quête, n'est-ce pas? Comme, comme ceux qui cherchent les insectes comme ça, je vais faire la quête aux hypocrites. Et je vais faire sortir leurs mécréances. Alors, je vais prendre les gens. Qu'est-ce que tu crois, toi? Est-ce que ça s'est interdit? Ah, t'es sûr? T'es certain? Ah, kafir, direct sur place. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est parce que ni Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire ce rôle actif, de toujours chercher à juger les gens, ce qui est à l'intérieur de leur cœur, ni aussi ce n'est dans la maslaha de des musulmans. Et écoutez bien ça. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il relie les jugements dans ce bas monde à l'islam et pas à l'iman. Ça, c'est l'un des avantages, l'une des sagesses qui sont derrière ça, c'est que ça, c'est au profit des mu'minines, des gens qui ont le iman. Pourquoi selon vous? C'est pour éviter de tomber justement de ce takfir de tout le monde. Takfir de tout le monde, mais quoi d'autre? Le cercle des mu'minines, des gens de l'iman, est-ce qu'il est plus grand ou plus petit que le cercle des muslimines? Plus petit. Plus petit. Voyez-vous donc, les mu'minines en tant que tels sont une minorité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ » La plupart des gens sur cette terre-là, même si tu vas insister, ne vont pas être des mu'minines. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Mais si ces mu'minines-là devraient vivre seulement entre eux-mêmes, entre mu'minines, ils vont devenir une petite minorité parmi tout le reste du monde. Ça veut dire leur vie dans ce bas monde, leur pratique de la religion va devenir une grande souffrance. Vous comprenez? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait relier les ahkam au cercle des muslimines. Là, c'est plus large. Quand toi, tu vas demander de construire une mosquée, n'est-ce pas? Tu vas dire ici, dans cette ville, on a besoin d'une mosquée. Pourquoi vous avez besoin d'une mosquée? Si tu vas dire c'est parce qu'on est cinq personnes à devoir faire la prière de Fajr à chaque matin, on va te dire cinq personnes, t'es qui toi? Mais si tu vas dire dans ce village-là, on est 5000 musulmans. Ça importe peu que les 5000 musulmans pratiquent bien, pratiquent pas bien. L'autre, il va au bar. L'autre, il fait la fornication, etc. Ça importe peu. C'est des musulmans quand même qui n'ont pas d'autre choix que de dire que moi je suis avec toi, j'aime aussi la mosquée, j'aime avoir une mosquée. Vous comprenez? Alors que si toi, si Allah subhanahu wa ta'ala t'avait demandé de faire le takfir comme ça et d'aller chercher le takfir à l'intérieur des cœurs du gens, tu vas te retrouver avec une petite minorité et avec une religion qui va toujours être une religion de poche, de ghetto comme ça, qui va toujours être cachée à droite et à gauche et être pratiquée de façon qui est secrète. Autre chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même lors de sa vie, il connaissait c'était qui les munafiqines. C'est le prophète d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé c'était qui les munafiqines. Lui et lui et lui et lui. Mais malgré ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'est le prophète d'Allah, il ne les a pas punis pour le fait qu'ils étaient des munafiqines tant qu'ils ne montraient rien, tant que leur kufr ne sortait pas de façon qui était évidente et déclarée. Pourquoi? C'est parce que, ok, quelqu'un va dire, mais lui, peut-être c'est un munafiq. Je vais prendre un exemple. Bien sûr, il ne faut pas mal comprendre cet exemple. A'oudou billah, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les personnes qui se convertissent à l'islam. Je n'ai pas dit ça. Moi, je prends un exemple théorique, n'est-ce pas? Il y a peut-être 1% des cas, peut-être 0,1%, peut-être 10%, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Il y a des personnes qui se convertissent à l'islam, n'est-ce pas? Un homme, il se convertit à l'islam. Il va venir à la mosquée, il va faire sa shahada, etc. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala sait dans son cœur que la seule raison pour laquelle il se convertit à l'islam, il veut épouser Aïcha ou Fatima ou Khadija ou autre chose. N'est-ce pas? Il a dit, bon, moi je suis musulman, n'est-ce pas? Mon père ne va pas t'accepter, etc. Il va lui demander des questions comme ça sur l'islam. Il va dire, bon, c'est intéressant, je vais devenir musulman. Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'une telle personne, peut-être, je ne dis pas attention, je ne dis pas que c'est le cas de toute personne qui entre en islam et qu'après ça, il va épouser une sœur qui est musulmane. Je n'ai pas dit que toutes les personnes sont des munafiqines. Mais il y en a. Il y a des personnes, que Allah subhanahu wa ta'ala les connaît, nous on ne peut pas les connaître, que ces personnes-là sont entrées à l'intérieur de l'islam pour épouser Aïcha ou Fatima ou Khadija. Taïb, lui c'est un hypocrite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi ça ne me gêne pas. Pourquoi est-ce que ça ne me gêne pas? C'est que lui, il va vivre sa vie en tant que musulman. Il n'a pas d'autre choix, c'est parce qu'il a dit que je me suis converti à l'islam. Il va venir parfois le Jumu'a, il va venir parfois pour l'Eid. C'est juste pour ramener sa femme, etc. Mais moi, en tant que musulman, je regarde loin. Lui, c'est un hypocrite. Ses enfants, quand ils vont grandir comme quoi? Comme des musulmans. Ça veut dire, lui, il n'aura pas d'autre choix. Il va le faire pour suivre tout le monde, pour faire la même chose que tous les autres musulmans. Il va ramener ses enfants avec lui à la mosquée. Il va leur enseigner Fatiha, il va leur enseigner Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq et ainsi de suite. Et ses enfants à lui vont, Inch'Allah, grandir avec le iman, pas avec le simple islam qui est un nifar. C'est parce que même ses enfants ne savent pas que lui, c'est un hypocrite et un munafiq. Vous comprenez? Vous comprenez la logique qui est derrière? C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose que tu fais activement, que tu veux faire sortir les gens de l'islam comme ça. C'est parce que si tu pousses ces gens-là à sortir de l'islam, ils vont devenir des ennemis déclarés de l'islam. Donc tant que lui, il ne veut pas faire sortir l'hypocrisie qui est dans son cœur, laisse-le comme ça. Il va vivre sa vie, après ça il va mourir, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais moi, tant que lui, il se dit musulman, n'est-ce pas? Quand moi, je vais faire... une annonce, pas moi, personne, je parle nous, ça veut dire, quand je dis moi, ça veut dire nous les musulmans. Quand moi je vais faire une annonce à la mosquée, je vais dire, bon, on a besoin de construire la mosquée, ainsi de suite. Le gars auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, peut-être c'est un munafir, peut-être c'est un hypocrite, n'est-ce pas, mais c'est un millionnaire. Donc il se sent mal, comme ça à la mosquée, il voit tout le monde en train de faire des dons, etc., n'est-ce pas, il se sent un peu gêné, il va dire, ah ok, je te donne un chèque, moi aussi, 100 000 dollars. Tu vas dire, mais il n'a pas fait les wajillah, c'est pas de mes affaires, n'est-ce pas? Le don, il va être serviable. Il va y avoir des orphelins qui vont bénéficier de ça, des personnes qui meurent de faim, et ainsi de suite. La récompense, c'est entre lui et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Si son intention n'était pas bonne, c'est lui qui va être le loser quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez la différence entre les deux? Non. Oui. Si une personne, on va dire, a fait la shahada hypocritement, comme son intention était hypocrite, ensuite, est-ce que là, il va être sincère, est-ce qu'il va faire sa tawba ou il va refaire? Oui, si une personne s'était convertie à l'islam hypocritement, ça veut dire avec le nifaq, le jour où il va devenir sincère, il va devoir se convertir vraiment à l'islam et entrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Regardez ici, on passe à un autre point, toujours dans la même section. Là, on va voir c'est quoi les deux autres extrêmes. Takfir ashabi al-kaba'ir ar-raddu 'ala al-khawarij wa al-murji'ah. Fal-khawarij. Nous avons la secte des khawarij, des kharijites qui dit quoi? تقول نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. لخوارج لخارجيت ils disent que on déclare l'apostasie d'un musulman avec n'importe quel péché majeur ou bien avec n'importe quel péché en général. Quelqu'un va me poser, mais est-ce que les khawarij ils croient que celui qui commet un péché majeur, il sort de l'islam ou bien c'est n'importe quel péché, etc. Je vais vous dire, ça importe peu. Ça, c'est une règle générale à toujours connaître. Quand tu t'intéresses aux sectes et à leurs croyances, n'est-ce pas, aux sectes déviées, n'est-ce pas, à droite et à gauche, etc., ne perds pas ton temps à aller chercher dans les détails des croyances de cette secte. C'est parce que ça, c'est un égarement, voyez-vous. J'ai autre chose à faire dans la vie que d'aller lire tous les livres des Khawarij pour voir lesquels des Khawarij considèrent que c'est les péchés majeurs qui te font sortir de l'islam et lesquels considèrent que c'est les péchés mineurs. Et est-ce qu'ils considèrent qu'un simple mensonge te fait sortir de l'islam et ainsi de suite? Ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est de comprendre que les Khawarij, c'est une secte qui dit qu'à travers la simple désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sors de l'islam. Tant que je sais que ça, déjà, c'est un égarement, les détails après ça ne... m'importe peu, je les laisse entre les khawarij eux-mêmes. Non. Donc ici, qu'est-ce qu'ils disent? وَكَذَلِكَ الْمُعْتَزِلَةُ تَقُولُ يَحْبِطُ إِيمَانُهُ كُلُّهُ بِالْكَبِيرَةِ فَلَا يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ. On a ici la secte des khawarij. Qu'est-ce qu'ils disent les khawarij? Quelqu'un mettant, quelqu'un commet la fornication, qu'est-ce qui arrive? Il sort de l'islam. Il tombe dans quoi? Dans le kufr, ok? Direct. De musulman, il est devenu un kafir. Bien sûr, ils vont avoir toujours des choubouhats, des ambiguïtés, n'est-ce pas? Ils vont utiliser, entre autres, ils vont te dire, ah, c'est parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le croyant, le mu'min, ne commet pas la fornication en étant mu'min. Ça veut dire qu'il est sorti de l'iman, ça veut dire qu'il est tombé dans le kufr. C'est ça la façon dont ils vont interpréter. Alors qu'on a déjà expliqué que non, il sort de l'iman, ça veut dire qu'il tombe dans l'islam. Il perd son grade en quelque sorte et il devient un muqassir, quelqu'un qui n'a pas fait le iman qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de faire. Ça veut dire qu'il est dans le rouge et dans le danger auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc là, les khawaris te disent de kufr, de islam, tu tombes à al-kufr. On a une autre secte égarée aussi qui est les mu'tazila. Les mu'tazilites. On va parler des sectes à la fin, inshallah ta'ala, de l'aqidah tahawiyya. Elle nous parle un peu des sectes comme ça, un résumé de leurs croyances. Mais sur ce point-là, les mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, non, non, non. Il sort de l'islam. Quand il a commis ce péché majeur, la fornication par exemple, il sort de l'islam. Mais est-ce qu'il est tombé dans le kufr? Non. Selon les mu'tazila, ils disent il sort de l'islam, mais il n'entre pas dans le kufr. Alors il est où? Là, ils ont inventé quelque chose, ils l'ont appelé al-manzilatu bayna al-manzilatayn. C'est l'état entre les deux états. Quelqu'un qui est bloqué dans l'ascenseur entre deux étages, c'est la même chose. N'est-ce pas? C'est une bid'a que eux ils ont inventé et que ça fait partie des fondements de leur secte, ils appellent ça al-manzila bayna al-manzilatayn. Il est sorti de l'islam, oui, il est entré dans le kufr, non. Il se trouve où? Quelque part au milieu. Mais regardez l'égarement. Qu'est-ce qui va lui arriver dans l'au-delà, cette personne-là qui a commis la fornication ou bien qui a bu de l'alcool? Là, ils vont arriver à la même conclusion que les khawarij. Ils vont te dire qu'il va être en enfer pour l'éternité. Il va être en enfer pour l'éternité. Ça veut dire, en réalité, les khawarij et les mu'tazila s'entendent pour dire que tout celui qui commet un péché majeur va être en enfer pour l'éternité. Vous comprenez? Qui pourrait nous rappeler maintenant quelle était l'erreur de l'Khawarij et de l'Mu'tazila sur ce point-là? L'origine de l'erreur, on l'avait déjà expliqué la dernière fois quand on a parlé de l'Iman, du concept de l'Iman. Oui? C'est au lieu que la personne tombe du Iman à l'Islam, ils font tomber du Iman jusqu'au bout. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à une telle conclusion? Oui? Parce qu'ils vont voir le sens linguistique. Sens linguistique. Quoi d'autre? La façon dont ils perçoivent le iman, c'est quoi exactement? Comment est-ce que les khawarij perçoivent le iman? Le concept de iman? Les actions? Que dans le cœur seulement. C'est un seul bloc. Vous vous rappelez? Ça existe ou bien ça n'existe pas. Ça existe ou bien ça n'existe pas. Je vais vous donner un exemple comme ça. Pour les khawarij et les mu'tazila, et on va voir tout à l'heure, inshallah ta'ala, que c'est la même chose pour les murji'a. N'est-ce pas? L'erreur qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est de dire que le iman, c'est comme une équipe de foot. Une équipe de foot comme ça, n'est-ce pas, officielle. On ne parle pas ici de certains frères qui jouent. On parle d'une équipe officielle comme ça dans une compétition internationale. On leur demande d'être 11 joueurs dans le terrain. Si l'équipe se présente à 10 personnes au début du match en tant que tête de la rencontre, on va lui dire tu n'as pas le droit de jouer. Parce qu'on ne t'appelle pas une équipe de foot. Malgré qu'il y a 10 joueurs, il y a 10 personnes qui savent jouer et ainsi de suite, on va dire non, non, vous ne méritez pas le titre de équipe de foot. C'est parce que dans les compétitions internationales, vous devez être 11 joueurs pour pouvoir constituer une équipe. Donc, eux, ils te disent l'équipe, c'est un bloc. Si tu enlèves une seule partie, le bloc n'existe plus. Ici, le khawarij, c'est la même chose. Tu dis le iman, c'est un seul bloc. Alors, si tu enlèves quelque chose de ce bloc, le bloc n'existe plus. Ça veut dire le iman, ça inclut l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas faire le haram, les actions et ainsi de suite. Alors, si tu enlèves une seule action, comme l'obéissance à tes parents, ça veut dire si quelqu'un désobéit à ses parents, il n'y a plus de iman. Vous comprenez? Je ne comprends pas qu'il ne doit pas en avoir beaucoup de khawarij, parce que c'est quand même tout le monde pêche, donc comment... Oui, les Khawarij, c'est une secte qui est apparue juste après le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a eu le khilaf entre sahaba radiyallahu ta'ala anhum, n'est-ce pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les Khawarij, c'est l'une des pires fitnas et ils causent l'une des pires formes de mal à la umma du prophète alayhi salatu wa sallam. Leur existence, toujours, elle descend et elle monte. Elle descend et elle monte et ils vont exister jusqu'au temps de Ad-Dajjal, comme il est mentionné dans les hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, lors de certains moments de l'histoire, ils vont avoir une apparition qui est plus importante. Lors de certaines autres périodes de l'histoire, ils vont un peu disparaître en tant que secte, mais tu vas toujours avoir des personnes qui vont adopter cette croyance de l'Khawarij par ignorance. Celui en général qui est Khawarij, il ne va pas te dire « je suis Khawarij, j'ai lu les livres de Khawarij et je suis devenu Khawarij ». Non, il ne le sait pas. Ce n'est pas comme j'ai vu une fois un groupe comme ça sur Facebook, n'est-ce pas? Il y avait quelqu'un comme ça qui parlait des personnes, bon, ce qu'ils considèrent les sœurs hypocrites comme ça, qui portent le voile et qui mettent leur photo, n'est-ce pas, voilée comme ça sur Internet et sur Facebook, etc. Bon, je ne parle pas de la pratique en tant que telle. Je n'ai pas dit que ça, ce n'est pas quelque chose de mal et ainsi de suite. Mais cette personne-là se permettait comme ça de dire, n'est-ce pas, comme ces filles mécréantes, kafirat, hypocrites, ça veut dire takfir comme ça, n'est-ce pas, en masse, le takfir en masse. Tu fais rouler la machine comme ça, takfir, takfir, takfir, takfir. Tout celui que toi, tu vois que ce n'est pas un bon pratiquant, il a fait une erreur, etc. Tu fais le takfir. Quelqu'un comme ça, tu vas dire, est-ce que tu connais Khawarij? Il va te dire, quoi? Khawarij, c'est quoi ce mot? Jamais entendu parler de Khawarij. Mais ce qui importe, c'est la croyance en tant que telle. Comme je dis, parfois, ça devient une secte, n'est-ce pas? Comme il y avait, par exemple, il y a de cela environ 2 décennies, maintenant, ça n'existe presque plus, n'est-ce pas? Un groupe qui s'appelait Al-Hijrawa, Al-Takfir, qui est apparu en Égypte, il existait aussi en Algérie, ainsi de suite. C'est quoi le hijra al-takfir? C'est faire le takfir de la société en général, comme ça, en masse. Pas quelqu'un, lui, a désobéi, kafir. Non, c'est takfir en masse, comme ça, de la société, n'est-ce pas? Et tu vas dire, nous, on va s'isoler. On va faire la hijra, ça veut dire on va s'isoler du reste de la société. C'est parce que ça, c'est une société de jahiliya, c'est tous des kuffars, etc. On va s'isoler de eux, n'est-ce pas? Et l'un de ces gens-là, des grands takfiri de notre ère, n'est-ce pas, des grands khawarij de notre ère, qui s'appelle Mustafa Choukri. C'est un Égyptien qui a fini sa vie en prison et ainsi de suite à cause de son extrémisme et de certains mals qu'il a causés, etc. Il y a certains savants qui disent que de sources dignes de foi, de personnes qui étaient avec lui à l'intérieur de la prison, parce que bien sûr, dans les prisons, il y avait tout le monde. Les bons, les khawarij, tu vas trouver... C'est un cocktail de toutes les sectes. Ils mettent tous ensemble en prison. Donc, à l'intérieur de la prison, tu vas voir tous les débats sur la aqida, sur la foi, etc. Alors, de source digne de foi, cette personne, wal'iyadu billahi ta'ala, alayhi min Allahi ma yastahiq, au dernier jour de sa vie, avant de mourir, ça veut dire son dernier état, il croyait, wal'iyadu billahi ta'ala, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un kafir. Wal'iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire, c'est du takfir, n'est-ce pas? C'est un chemin qui ne va jamais se terminer, c'est pour ça que c'est l'une des pires bid'a et des pires innovations que tu peux avoir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça commence ici et que la personne ne se rattrape pas, rapidement, ça va s'enchaîner. Et ça va arriver à des choses qui sont aussi graves que ça, wal iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et les khawarij, en passant entre eux, en général, ils se divisent en permanence. C'est parce qu'à chaque différence, n'est-ce pas, t'es un kafir. Ok, si tu fais mon takfir et que moi je ne suis pas un takfir, alors toi aussi t'es un kafir. Alors là, chacun va devoir choisir son camp, n'est-ce pas, les deux, quand on va faire le takfir des autres. Et c'est des divisions de façon qui est continue. Est-ce que c'est clair? Hein? Non, ils peuvent très bien se juger eux-mêmes. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'un des savants de l'islam, contemporain comme ça, il a dit, bon, une fois, il avait une munadara, ça veut dire un débat comme ça, avec l'un des khawarij comme ça, qui est venu, je ne me rappelle plus de quel pays, qui a voyagé jusqu'en Jordanie pour aller voir le cheikh pour dire, je vais faire un débat contre toi, pour te montrer que toi, t'es un égaré, t'es un mécréant, etc. Bon, le cheikh, il a fait un débat avec lui. Et le cheikh, il a dit, bon, est-ce que tu crois que celui qui fait telle chose est un kafir? Oui, et celui qui fait telle chose est un kafir. Et telle chose, jusqu'à ce qu'il est arrivé à lui dire, est-ce que tu crois que, par exemple, celui qui utilise des choses qui sont faites par des mécréants est un kafir? Oui. Est-ce que toi pour venir ici, qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris l'avion. Est-ce que cet avion-là a été fait par des croyants? Non, il était fait par des mécréants. Et toi, tu as voyagé dans un avion qui a été conçu par des mécréants. Est-ce que ça veut dire que toi, tu es un mécréant? Il a dit, oui, je suis un mécréant. Aussi simple que ça. Ittiba'u al-hawa wal-iyadu billah. Non. Après ça, on a l'autre secte, qui est la secte de Al-Murji'a. Al-Murji'a, on rappelle encore une fois, ça vient du mot Al-Irja'. Al-Irja', c'est le fait de repousser. Ça veut dire, eux, ils vont repousser l'importance des actions. Ils vont dire, non, non, les actions ne font pas partie de la foi, de l'iman. Pourquoi? Ça commence de la même choubha que les khawarij. Ils ont dit, parce que le iman, c'est un seul bloc. Ça veut dire que si l'une des parties de ce bloc va disparaître, le iman n'existe plus. Alors ils ont dit, pour ne pas tomber dans la même erreur des khawarij, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le iman, c'est seulement ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Comprenez? Est-ce que vous comprenez ou je répète? C'est clair? Taïb. D'un côté, nous avons les khawarij et les mu'tazila. De l'autre côté, nous avons les murji'a. Les deux disent que le iman, c'est un seul bloc. Soit que ça existe ou bien ça n'existe pas. Ça veut dire si l'une des parties, l'une des composantes de l'iman disparaît, tout le iman va disparaître. De ce fait, les khawarij, ils ont dit quelque chose de vrai. Ils ont dit, ah, les actions sont importantes. Alors, elles font partie de la foi, de l'iman. Et ça, on est d'accord avec les khawarij sur ce point. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que iman, c'est un seul bloc. Si les actions disparaissent, tout le bloc va disparaître. Ça veut dire qu'il va tomber de l'islam vers al-kufr. De l'autre côté, les murji'a vont dire, non, non, le iman, c'est un seul bloc. Ils vont s'entendre avec les khawarij sur ça. Mais ils vont dire, pour ne pas tomber dans l'excès et l'extrémisme des khawarij, pour ne pas arriver aux mêmes conclusions, qu'est-ce qu'on va dire? Non, non, non. La solution, c'est de faire sortir la foi, les actions, l'amal, du concept de la foi en tant que tel. Ça veut dire, la foi, c'est seulement dans le cœur. Le iman, c'est seulement dans le cœur. Et le iman, tu ne peux le perdre qu'en perdant tes croyances. Ça veut dire, si quelqu'un, il perd les croyances, c'est là où il va perdre le iman en tant que tel. Oui. Je rappelle encore une fois, on avait parlé de ça. On avait dit que c'est pour ça que les Hanafis, bon, les Hanafis ne sont pas, c'est pas l'excès de l'murji'a, mais on les appelle, certains ulama, ils appellent murji'atu al-fuqaha. C'est la forme modérée un peu de irja, n'est-ce pas? On les appelle les Hanafis murji'a. C'est pour ça qu'on les appelle murji'atu al-fuqaha. Et comme on l'avait mentionné, c'était le seul point de différence d'opinion majeure sur les questions de croyance entre les quatre madahib, les quatre grandes écoles de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de répondre à votre question, juste, yarhamukumullah, quel est l'avantage maintenant? Quelqu'un comme ça, qu'est-ce que, si quelqu'un ici peut nous faire sortir un avantage que nous on peut prendre des khawarij et des murji'a? De ce côté les khawarij et les mu'tazila, et de l'autre côté les murji'a. Comment les utiliser à bon escient? Tous ces groupes-là, les trois groupes, d'un côté Khawarij Mu'tazila et de l'autre côté Al-Murji'a. Oui. Tu avais une réponse? Oui, pour les Khawarij, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est qu'ils vont se concentrer à ne pas faire de péché. Ils vont être vraiment. Pas vraiment ça. Quoi d'autre? On ne peut pas faire takfir sur une personne. On ne peut pas faire takfir. Quoi d'autre? Très bien, donc la religion, c'est le juste milieu. Donc en général, c'est une indication que tu es sur la droiture quand tu as tel extrême et tel autre extrême. Mais il y a autre chose. Si tu veux répondre au khawarij, va prendre les arguments de l'murji'a. Si tu veux répondre au murji'a, va prendre les arguments de al-khawarij. Ça veut dire ils s'autodétruisent mutuellement. Ça veut dire ils ont fait le travail pour toi. C'est parce que tous les arguments, la plupart des arguments de al-murji'a, en réalité ne servent qu'à répondre au khawarij. Et tous les arguments de l'khawarij ne servent qu'à répondre au murji'a. Et le travail est fait. Voyez-vous, donc, les murji'a vont prendre tous les textes dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout celui qui dit la ilaha illallah, il va entrer au paradis. Alors, c'est aussi simple que ça, dit la ilaha illallah, n'est-ce pas? Ces textes-là, si tu vas les prendre, ça te sert à détruire le madhab de des khawarij. Parce que khawarij va dire, bon, vous vous dites, n'est-ce pas, le gars, il a bu de l'alcool et sorti de l'islam. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit la ilaha illallah avec sincérité dans son cœur, n'est-ce pas, il va entrer au paradis. Alors c'est faux, votre madhab. Et les murji'a qui te disent, non, non, les actions, c'est pas grave, etc., seulement dans le cœur, va prendre les arguments de l'khawarij. Les khawarij te disent, n'est-ce pas, ils vont prendre tous les textes de ce qu'on appelle al-wa'id, les textes qui contiennent la punition pour les mauvaises actions, etc. Ils vont faire le travail pour toi, ils vont te ramener tous les textes, tous les versets de l'Qur'an Karim qui parlent de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a fait tel péché va avoir telle punition, etc. Le travail est fait par les khawarij. Prends ces textes-là et tu les mets sur les murji'a. Dis voilà. Les versets et les hadiths qui nous indiquent que les actions, c'est quelque chose qui est sérieux dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose qui est toujours serviable dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux prendre un raccourci, n'est-ce pas? Tu veux que les autres, qui soient égarés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, fassent le travail pour toi. Prends tous les textes qu'eux, ils ont déjà écrits et utilise-le pour, de ce côté-là, tu réponds aux autres et de ces gens-là, tu réponds à l'autre extrême. Vous comprenez? Parce que le madhab, les fondements, les textes, les preuves que les khawarij vont utiliser, c'est en général les preuves qui te parlent de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les preuves que les murji'a vont utiliser, c'est en général, c'est les textes qui te parlent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'aisance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le travail est fait par là, est fait par là, et toi tu ramènes ces preuves-là et tu dis, c'est ça, c'est madhab ahlu sunnati wa al-jama'a qui prennent la religion dans son ensemble. Les soufis, la sœur, elle pose une question sur les soufis. Le soufisme, la question, yani, l'esprit de soufisme en tant que tel n'a pas vraiment de relation avec cette question de l'iman. Ça veut dire que le soufisme, c'est quelque chose, c'est une tendance qui est axée sur la spiritualité, originellement, dans la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et avec le temps, ça s'est développée. Et quand elle s'est développée, n'est-ce pas, certaines formes extrêmes de soufisme vont tendre vers le... Qui pourrait nous dire? Vers? Vers le murji'a. Pourquoi ils vont tendre vers le murji'a? Ça, c'est bien sûr les formes extrêmes de soufisme, n'est-ce pas? Des gens qu'on appelle az-zanadiqa, tout simplement. Aussi simple que ça, ça veut dire les gens de al-hulul et de al-ilhad, etc., qui vont rendre licite tout le haram. Qui vont rendre licite tout le haram. Ça veut dire, il va te dire, par exemple, telle personne, tel cheikh, comme certaines formes de soufisme qui existent aujourd'hui, enseignent à leurs étudiants et à leurs, ce qu'ils appellent al-mourid, ça veut dire à leurs suiveurs et ainsi de suite, que lorsque ton cheikh commet ce que toi tu considères comme étant un péché, ne te pose pas de questions. Ne le blâme pas pour ça. Ne le juge pas. Pourquoi? C'est parce que lui, il est arrivé à une autre étape de la religion. Il est arrivé en quelque sorte à la religion qui est cachée. Ilmu al-batin. Ilmu al-batin, c'est quoi? C'est, tu as atteint un certain degré où ça y est, ta foi qui dans ton cœur est tellement forte que ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est assuré, qui est garanti. Et à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, fais ce que tu veux. Il n'y a plus de halal, il n'y a plus de haram. Et c'est pour ça que ça c'est, n'est-ce pas, ça c'est Ali Gum'a, qui était le mufti de l'Égypte, n'est-ce pas, qui est l'un des leaders du tasawuf de nos jours, malheureusement, dans le monde, qui l'a dit clairement. Et sa conférence est sur Internet. Vous pouvez la trouver facilement sur YouTube, inshallah ta'ala. Une fois dans son, n'est-ce pas, il cite des exemples de grands soufis comme ça. Il a dit qu'une fois, il y a un cheikh soufi qui a reçu une question de l'un de ses élèves, bien sûr, il n'a pas mentionné ça par, comme une blague ou autre chose. Il le dit pour enseigner c'est quoi le tasawuf aux gens. Il a dit, cet élève-là, un élève soufi, s'est présenté à son cheikh, à un cheikh des tasawuf. Il a dit, j'ai vu mon cheikh entrer avec une femme qui lui était étrangère dans une chambre fermée. Et après quelques temps, il est sorti. C'est comme il était choqué. Ça veut dire, mon cheikh, n'est-ce pas mon cheikh de tasawuf, de spiritualité, etc. Il est entré avec une femme qui lui était étrangère dans une chambre fermée. Ça veut dire, j'assume qu'il a commis le haram, wal'iyadu billahi ta'ala. Et ça, c'est, subhanallah, c'est Ali Goum'a lui-même qui mentionne l'histoire comme une histoire modèle, en quelque sorte. Il a dit alors, qu'est-ce que l'autre cheikh a répondu? Il a dit, si tu vois ton cheikh faire quelque chose de pareil, après, une fois qu'il va sortir, tu dois lui réchauffer de l'eau. Ça veut dire pour qu'il prenne son ghusl, pour qu'il prenne son bain. Wal'iyadu billahi ta'ala. Ça veut dire, ne te pose pas de questions. C'est ton cheikh, n'est-ce pas? Lui, il a atteint un degré où toi, ce que toi, tu ne peux pas faire, lui, il peut faire. Wal'iyadu billahi ta'ala. Voyez-vous, donc, ça, c'est les formes, bien sûr, extrêmes de soufisme. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout le tasawuf qui est sur ce même niveau de zandaqa et de يعني الاستحلال والعياذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى mais comme on l'a mentionné ces formes là extrêmes de tasawuf tendent plus vers le irja vers le madhab de al murji'a c'est parce qu'ils vont te dire que l'important que toi en tant que cheikh et en tant que grand cheikh de tasawuf et autre chose tu as atteint un certain niveau n'est-ce pas de iman etc que ça y est tu es entré dans la vérité de la religion ce qu'ils appellent la vérité de la religion ça veut dire ilmu al-haqa'iq ou bien ilmu al-batin et que maintenant tout ce qui importe c'est ce que tu as dans ton cœur entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala ce que les gens ne peuvent pas comprendre et que ce que nous on appelle al-sharia n'est-ce pas sharia il te dit c'est pour le commun des personnes et que al-haqiqa c'est pour les élus. Ilmu al-batin, ça y est, tu n'as plus à avoir le halal et le haram, tout devient la même chose tant que tu as une bonne relation entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Si je me pose une simple question pour cette secte, c'est-à-dire comment il considère le prophète, c'est-à-dire lui, il n'est pas arrivé justement à cette batin, et sachant que c'est sur lui que tout a été descendu à l'état de salat. Comment il répond à cette question? Oui, bien sûr, c'est un égarement qui est clair. Et c'est pour ça que ces formules-là de tasawuf, n'est-ce pas, qui sont extrêmes, c'est ce que les ulama, ils appellent zandaqa. C'est du kufr qui est clair. C'est comme, par exemple, Ibn Arabi, n'est-ce pas, à ne pas confondre avec Ibn Arabi, le grand savant de l'madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ibn Arabi ou autre chose, il y a plusieurs savants qui ont déclaré que ça, c'est quelqu'un qui est kafir. On va parler de ça, inshallah, plus quand on va parler de la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la question de l'hulul et autre chose. Vous allez voir que certaines formes de tasawuf ont dit certaines choses qui sont vraiment, n'est-ce pas, aberrantes, wal'iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, et qui sont pires que la croyance de la Trinité. Parce qu'ils te disent que, bon, Allah subhanahu wa ta'ala halla fi ibadihi, wal'iyadu billahi ta'ala, n'est-ce pas, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est contenu à l'intérieur de ses serviteurs, ou bien telle personne qui a atteint un tel niveau de spiritualité qu'il est devenu divin. Ça veut dire, lui, c'est Allah, et Allah, c'est lui. Wal'iyadu billahi ta'ala, ça c'est du kufr qui est akbar, qui est évident, qu'il n'y a pas de doute sur ce genre de choses, et on va le voir plus tard, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais comme on l'a dit, on va le mentionner maintenant, incha'Allah, ta'ala, je vais laisser la réponse à quelques instants, parce qu'il va nous mentionner ici un élément qui est important sur ce genre de situation. Mais est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور. Il nous dit si l'hypocrisie ainsi que l'apostasie vont venir à travers deux choses. Sont reliés à travers deux choses. C'est quoi ces deux choses-là? C'est al-nifaq ou al-fujur. Ou bien al-bida' ou al-fujur. C'est l'innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, sachez que l'apostasie en général et que l'hypocrisie, al-nifaq ou al-akbar, proviennent de deux choses. Ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça de nulle part. Il faut comprendre ça, c'est très important. L'apostasie, ou bien nifaq, l'hypocrisie, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part en un seul instant comme ça. Quelqu'un qui était au top de son iman, et soudainement comme ça, il est tombé vers l'apostasie. Non. Il y a deux chemins qui mènent vers l'apostasie et vers l'hypocrisie. C'est quoi ces deux chemins-là? les innovations et les péchés. Les innovations et les péchés. C'est pour ça que quand on dit, wal'iyadu billah, que les péchés ne font pas sortir la personne de l'islam comme les khawarij, ils disent, ce n'est pas pour réduire du danger des péchés. C'est parce que les péchés ne font pas sortir directement la personne de l'islam, mais les péchés en général, n'importe quel péché, al-ma'asi, barid ou al-kufr, ça veut dire les péchés rapprochent la personne de la mécréance. Parce que les péchés font descendre et rabaisser le iman de la foi jusqu'à ce qu'un jour, l'iyadu billahi ta'ala, elle va se retrouver très proche des limites de l'islam et elle va sortir de l'islam, l'iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici, أسرع الناس عن ابن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. ابن سيرين عليه رحمة الله تعالى l'un des grands savants du passé qui avait autre chose à faire en passant que de passer son temps à expliquer les rêves comme certains pensent. Ibn Sirin رحمة الله, il expliquait les rêves, il était connu pour ça, mais c'était pas son travail à temps plein. C'est pas son travail à temps plein, c'était un muhaddith, c'était un savant du hadith, un grand savant de l'islam. Donc il dit, Ibn Sirin, alayhi rahmatullahi ta'ala, « Asra'u nasi riddatan » Les gens qui sortent le plus rapidement de l'islam en général, qui commettent l'apostasie, c'est qui ?« Ahlul ahwa » Ça veut dire les gens qui suivent leur passion, ça veut dire les membres des différentes sectes. En général, soit certains, je répète encore une fois, qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a presque personne qui va sortir de l'islam comme ça, du jour au lendemain, sans rien. Il y a toujours quelque chose qui l'a mené vers l'apostasie. Cette chose-là, soit qu'elle était cachée, comme des péchés cachés que toi, tu ne sais pas qu'Allah savait que cette personne-là, elle avait, n'est-ce pas? Et que du jour au lendemain, ça y est, cette personne-là, elle craque, ça veut dire qu'il n'y a plus de iman qui peut la garder sur le droit chemin. Ou bien, c'est les gens, ahlul ahwa, les personnes qui font partie des sectes et qui vont adhérer à différentes formes d'innovation, de bida. Comme on l'a donné tout à l'heure l'exemple, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quelqu'un va commencer comme un khawarij. Il va commencer par quelque chose d'aussi simple, entre guillemets, c'est pas aussi simple, c'est quelque chose de grave, mais on va dire, il va commencer par quelque chose d'aussi simple que de mettre la photo d'une sœur sur Internet et dire « Ah, regardez cette mécréante hypocrite. Comment est-ce qu'elle porte son voile ?» Ça peut commencer avec ça. Ça, c'est une innovation. Parce que c'est sur le chemin de Al-Khawarij. Et avec le temps, ça va finir à dire, comme Mustafa Choukri, il a dit, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était mécréant. Wal-iyadu billahi ta'ala, ce qui est un kufr qui est évident, une apostasie qui est sur place. Voyez-vous pourquoi? C'est parce que c'est une innovation. يَتْبَعُوا أَهْوَاءَهُ أَهْلُ الْأَهْوَاءَ Les gens qui suivent les passions. Celui qui suit les passions, ce n'est pas seulement celui qui va au bar, n'est-ce pas? Ou bien celui qui a des copines. Ce n'est pas seulement ça, les passions. La passion, parfois, peut être une passion qui est intellectuelle, n'est-ce pas? C'est pour ça que le khawarij, n'est-ce pas? Il n'y a pas pire que le khawarij. Khawarij, c'est quoi? Khawarij, est-ce que c'est des gens qui aiment désobéir à Allah? Est-ce que c'est des gens qui aiment aller au bar? Non. Qui aiment faire le haram? Non, bien au contraire. Mais c'est des gens qui ont une passion qui est intellectuelle. Ils pensent qu'il est tellement intelligent qu'il se permet de faire des jugements hâtifs, comme ça par soi-même. Celui qui boit de l'alcool hors de l'islam. N'est-ce pas? Donc, son point de départ, c'était quoi? C'était de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. A'oudhu billah, tu bois de l'alcool. A'oudhu billah, tu ne portes pas le voile. A'oudhu billah, tu fais tel péché, n'est-ce pas? Mais, attention, il est leurré. De par son intelligence, de par sa pensée, il ne se réfère pas au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va se permettre de suivre ses passions dans le jugement des autres. Kafir. Ok, tu dis que c'est kafir, mais est-ce que tu réalises que ça a tel et tel et tel impact? Alors, au lieu de dire « A'udhu billah, astaghfirullah, j'ai fait une erreur, vous m'excusez, je ne savais pas », il va dire « Oui, j'insiste ». Et je vais aussi prendre les implications de cette croyance. Et de ces implications-là, les autres implications, n'est-ce pas? Et quand le cheikh, il va te dire, alors celui qui va prendre, qui va voyager en avion, dans un avion de quelqu'un qui a été conçu, bien, un avion qui a été conçu par un mécréant, est-ce qu'il devient un mécréant? Tu vas dire oui. Mais il va te dire, attention, ça veut dire que même toi, tu es devenu un mécréant. À la place d'être choqué comme ça et de dire, « A'oudhu billah, je suis arrivé où ?»« Astaghfirullah, je déclare ma tawbah, tu vas dire oui, je suis un mécréant. Pas de problème. Khalas, tu es devenu un mécréant. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Vous comprenez? Oui. Comment? J'ai pas bien compris. Il va faire un péché, il va sortir de l'islam. Il va refaire sa shahada, il va rentrer. Oui, exactement. Exactement. Naam. Naam. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعل الخوارج. Il nous dit ici, c'est pour ça qu'on ne devrait pas dire, parce que certains savants, ils utilisent une expression qui n'est pas très précise. Ils disent que nous, Ahlus Sunnah, on ne fait pas le takfir des gens par les péchés. Ça, c'est bon, en général. On comprend qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne veut pas être comme les khawarij. Mais il faudrait idéalement utiliser une expression qui serait encore plus précise. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que nous, Ahlus Sunnah, on ne fait pas le takfir des gens avec tous les péchés. C'est parce qu'il y a des péchés qui sont des péchés de mécréance. Voyez-vous, comme on l'a mentionné, comme quelqu'un qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal'iyadu billah. Ça, c'est un péché. Mais c'est un péché de kufr akbar mukhrij mina al-millah. Donc, il y a une différence à faire entre dire on ne fait pas le takfir des gens avec les péchés, et pour être plus précis, c'est mieux de dire on ne fait pas le takfir des gens avec tous les péchés. Ça veut dire que ce n'est pas tous les péchés qui font sortir de l'islam. Non, la plupart des péchés, ça veut dire qu'ils sont la désobéissance al-ma'asi, ne font pas sortir la personne de l'islam. Mais il y a quand même des actions qui sont des actions de kufr wal'iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa تعالى وصغيرتها سبوا إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.